Le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé le 16 courant une couronne mortuaire devant le cercueil du feu, chef de l'orchestre symphonique d'État Chang Jo-il, lauréat du prix Kim Il-sung et artiste du peuple, en guise de ses profondes condoléances à son décès.